Amen. Amen. Please, before we start our message, I'll quickly say this. It's part of it. Yeah, okay. Yeah, I want them to listen to it. Okay. Our message on Wednesday, please. Unsere Botschaft Mittwoch. Notre message mercredi. That it is similar to that of Sunday does not mean you should not listen to it. Nur weil sie der Sonntagspredigt ähnelt, heißt es nicht, dass man sich die Mittwochspredigt gern hören muss. Juste parce que ça semble être la même, le même message de dimanche, ça ne signifie pas que tu ne dois pas l'écouter. Especially those in Nigeria. Besonders die Nigeria. Surtout ceux qui sont au Nigeria. Or those in English-speaking countries. Mm. Die in englischsprechenden Ländern. Ou bien ceux dans les pays qui parlent anglais. The Lord always directs the message. Der Herr leitet immer die Botschaft. C'est l'Éternel qui conduit toujours le message. Amen. Amen. Christ's word to us is not like a drama that once you watch, you don't want to watch it again. Das Wort von Christus ist kein Film, den, wenn man sich den angeguckt hat, dann braucht man sich den nicht nochmal angucken, wenn man das Ende schon kennt. La parole de l'Éternel, c'est pas comme un film, en fait, que si tu as déjà commencé à regarder, tu peux pas continuer à regarder, en fait. The more you listen to his message, umso mehr du der Botschaft zuhörst, le plus que tu entends le message, the more revelation you become, umso mehr Offenbarung bekommst du von ihm. Et tu vas aussi recevoir un peu plus de revelation. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. He always adds things to his message at every given time. Neue Dinge zu seiner Predigt hinzu, zu jeder Zeit. Lui, il rajoute toujours des nouveaux révélements dans son message. It might even look similar, but he always adds things to it. Mm-hmm. In one way or the other. Même si ça te semble le même message à plus près, mais lui va toujours rajouter les révélations. If even there is nothing added to it, but be patient. Und selbst wenn nichts hinzugefügt wird, and listen to his voice. Sei dennoch geduldig und hört seiner Stimme zu. Amen. Et même si que tu, dans le même moment que tu es en train d'écouter le message, tu n'as pas encore eu une nouvelle révélation, sois patient et écoute et patiente-toi et tu vas écouter sa voix. Even the message, you know, if it is French, that you know, interpretation or that of Dutch, it is still a blessing for you. Auch wenn es eine französische oder englische Übersetzung gibt, ist es dennoch ein Segen für dich. Même si dans le message c'est une interprétation allemande ou bien français, c'est toujours une bénédiction pour toi. It also proves your patience with him. Prüft auch deine Geduld mit ihm. Parce que ça va aussi faire voir ta patience envers l'Éternel. The more you allow him to speak to you, the more revelation you get from him. Umso mehr du zulässt, dass er zu dir spricht, umso mehr spricht er auch, umso mehr Offenbarung kriegst du auch. Le plus que tu es en train de permettre à l'Éternel de te parler, c'est de plus de révélations tu vas aussi avoir. Might even be repetition, repeating it, repeating it. Das ist auch eine Wiederholung. It is for your own victory. Aber es ist für deinen eigenen Erfolg. Même si tu vas avoir beaucoup de répétitions, mais c'est toujours pour ta propre victoire. Have faith and patience in all things. Hab Geduld in allen Dingen. Sei vraiment patient. Amen. Like Hebrews 6 verse 12 said. Let's go there. Tout comme il a dit à Hébreux 6 verset 12. Praise the Lord. Amen. Amen. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Be patient with the Lord. Don't be in haste. Donc, il faut vraiment être patient avec l'Éternel et ne sois pas toujours pressé, en fait. Are you getting it? Faith and patience. Geduld und, they are part of the fruit of the Holy Spirit. Ist Teil der Frucht des Heiligen Geistes. La foi et la patience, ça fait partie du Saint-Esprit. What kind of fruit? Gottes Frucht. C'est une partie de ses fruits. Praise the Lord. Les fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Our message today is going to be on that of Sunday, but there are lots of some things that the Lord also, you know, there's addition to it also. Unsere Botschaft wird die von Sonntag sozusagen nochmal ähneln. aber es werden dennoch einige Sachen hinzufügen. Donc le message qu'on va avoir aujourd'hui, ça va te sembler, c'est un peu similaire à celui de dimanche, mais l'Éternel va nous donner encore plus de détails, plus de compréhension. Faith in different ways. Glauben auf unterschiedliche Weise. Donc la foi dans des manières différentes. Amen. Amen. You know, those of you listening. Die zuhören. Ceux qui sont en train d'écouter. Are you after what Christ called the truth or Sind not? Sind ihr hinter dem her, was Christus die Wahrheit nennt oder nicht? Est-ce que tu es derrière ce que l'Éternel appelle la vérité ou pas? Are you hungry of the truth or not? Sind ihr hungrig nach der Wahrheit oder nicht? Est-ce que tu as faim de la vérité, oui ou non? Are you comfortable with the lies you are living? Bist du zufrieden mit dem Lügen, die du lebst? Ou bien es-tu confortable avec les mensonges que tu es en train de vivre? Again, are you after what Christ called the truth? Bist du hinter dem her, was Christus die Wahrheit nennt? Ou bien tu es vraiment derrière ce que le Christ appelle la vérité? If you are really after the truth. Wenn du wirklich hinter der Wahrheit bist. Parce que si tu es vraiment réellement derrière la vérité. This message of faith will deliver you. Wird dich diese Botschaft der des Glaubens befreien. Là, ce message que tu es en train d'écouter aujourd'hui, de la foi, ça va te délivrer. If not, you will be offended. Sonst werdet ihr Anstoß nehmen. Ça va te libérer parce que sinon, tu seras offensé. Because Christ's message offends people a lot. Weil die Botschaft von Christus vielen Leuten Anstoß bereitet. Parce que le message du Christ, c'est vraiment une offense pour beaucoup de personnes. Amen. The truth offends people a lot. Die Wahrheit ist für viele Leute ein Anstoß. La vérité est en train d'offenser beaucoup de personnes. Let's go to Matthew 15, please. Matthäus 15. On va lire Matthieu 15. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. From verse 12 to 14. Matthäus 12. 15 to 14. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? They were offended because of the truth. Sie nahmen Anstoß wegen der Wahrheit. Ici on voit que les disciples s'est venant lui dire, savez-vous que les pharisiens ont été entendant cette parole ont été scandalisés? Remember the Pharisees, they were never hungry of the truth. Erinnert euch an die Pharisäer, sie waren niemals hungrig nach der Wahrheit. Rappelle-toi que les Pharisiens, ils avaient jamais faim de la vérité. Just like the Christians today. Genauso die Christen heute. Tout comme les chrétiens aujourd'hui. Amen. They were always looking for what Jesus, how he was going to make mistake. Or how he was going to react so that they would go against him. Fehler haben gesucht bei Jesus, damit sie gegen ihn vorgehen können. Ils ont toujours cherché des fautes, oui. Par le Christ. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. The Lord always wanted, he wanted them to be free. L'Éternel voulait qu'ils puissent être libres, qu'ils soient libres. They were always rejecting the freedom. Aber sie haben diese Freiheit immer verweigert. Mais eux, ils ont toujours rejeté cette liberté. Amen. Mm-hmm. He spoke the truth to them. Er hat ihnen die Wahrheit offenbart. L'Éternel il a dit la vérité. And they were offended. Sie haben Anstoß genommen. Mais eux, ils étaient vraiment offensés, ils étaient scandalisés. Even with all his disciples, they noticed that they were all offended. Und auch all seine Jünger haben das gemerkt, dass sie Anstoß, sie Anstoß genommen haben. Et même les disciples, même eux, ils ont aussi vu que les pharisiens étaient vraiment scandalisés. You know, Jesus never cared if anyone is offended. Ah, yes, that's one thing I love with him. Mais l'Éternel, lui, ça ne l'intéresse pas si quelqu'un est vraiment offensé à travers la vérité. Et ça, j'aime ça. Are you getting it? He never cared. Ça ne l'importait pas, c'était pas. If you are offended or not, it's your business. Tu Anschluss nimmst oder nicht, c'est deine Sache. Et si tu es offensé ou pas, c'est ton problème. Because he can never change his relationship with his father. Das kann niemals seine Beziehung mit seinem Vater ändern. Parce que le fait que tu es offensé, ça va jamais changer sa relation avec son propre père. Is somebody getting it? Then in verse 37, but he answered and said, every plant which my heavenly father hath not planted shall be rooted up. Praise the Lord. Toutes les plantes que n'a pas planté mon père céleste sera arrachée. Amen. Amen. No one can pretend to be in the kingdom of heaven. Niemand kann so tun, als ob er im Königreich des Himmels ist. Personne peut prétendre être dans le royaume des cieux. Amen. Amen. If once you come there, something is going to take you out. Wenn du dorthin kommst, würde ich etwas rausnehmen. Si tu viens vers le dans le royaume des cieux, quelque chose va t'arracher de là. If you are not hungry of the truth, no need to come to Jesus. Wenn du nicht hungrig bist nach der Wahrheit, dann brauchst du nicht zu Jesus zu kommen. Oui, parce que si tu n'as pas faim de la vérité du Christ, tu n'as pas besoin de venir vers prétendre de venir dans le royaume des cieux. If you are not hungry of the truth, no need to go to a living church. Wenn du nicht hungrig bist nach der Wahrheit, dann brauchst du nicht in eine lebendige Gemeinde gehen. Si tu n'as pas faim de la vérité, tu n'as pas besoin de partir dans une église. It's a matter of time you will be offended. C'est une Frage der Zeit und du wirst Anstoß nehmen. Parce que c'est une question du temps jusqu'à ce que tu puisses être offensé. Praise the Lord. Hallelujah. Because a living church is no respect of any person. Denn eine lebendige Gemeinde erachtet Menschen nicht nach ihrem Status oder ihrem Aussehen oder sonstigem. Parce que dans une église vivante, il y a le statut d'une personne, c'est pas important. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then verse 40 says, let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Amen. Praise the Lord. Verset 14 dit, les blessés, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. The funniest part of it is that even these people, they have people that follow them. They have a lot of followers. Das Lustige ist, dass diese Leute sogar nochmal Nachfolger haben. Viele Leute, die ihnen folgen und ihren Wegen nachgehen. La chose qui est triste dans cette histoire, c'est toujours que les gens des pharisiens, les gens comme ça, ils ont toujours des gens qui sont en train de leur suivre et oui, qui tombent aussi dans la fosse dans cette erreur avec eux. Those they are leading. Die sie führen. Amen. Amen. And Jesus said, if the blind lead the blind, both will fall into the ditch. Jesus sagt, wenn die Blinden die Blinden führen, werden beide in einen Abgrund fallen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de les suivre dans leur fausse doctrine. Et malgré Jésus-Christ dit que les aveugles qui conduisent les aveugles vont tomber dans une fosse. Jesus did not run after them to beg them. Jesus ist nicht hinter ihnen hergerannt, um sie anzubetteln zu bleiben. Jésus-Christ n'a pas couru derrière eux pour les supplier de rester. Because you can never beg anyone to be saved. Du kannst niemanden anbetteln, errettet zu werden. Parce que tu ne peux pas supplier quelqu'un pour être, né de nouveau, avoir son salut. Things never work in heaven by begging. Dinge funktionieren nicht im Himmel durch anbetteln. Les choses dans le royaume des cieux, ça ne marche pas si on est en train de te supplier. That's why begging God never helps you in any way. Deswegen Gott anzubetteln hilft dir nicht. Même si c'est la raison laquelle si tu commences à supplier l'Éternel de t'aider, ça va pas t'aider. You know, religion, they love to beg God. Religion liebt es, Leute anzubetteln. La religion, les religieux, eux, ils aiment supplier les gens. Especially Christianity, they just love to beg God. Besonders das Christentum, es liebt Gott anzuflehen. Surtout le christianisme, eux, ils aiment vraiment supplier l'Éternel. The kingdom of heaven does not work by begging, it works by principle. Das Königreich von Christus arbeitet nicht durch anbetteln, anflehen, sondern durch Prinzipien. Mais le royaume des cieux, ça ne marche pas à travers, quand tu es en train de supplier l'Éternel, mais ça fonctionne à travers ses principes. Are you getting it? He has his own principle. Es hat seine eigenen Prinzipien. Le royaume des cieux a ses propres principes. He said, believe Christ. Glaub an Christus. Et il dit, tu dois croire en Dieu. Believe the finished work of Christ. Glaub an das Fertige. That is the principle, so simple. Das ist das Prinzip, sehr einfach. Crois à l'œuvre accomplie du Christ. Ça, c'est le principe. That's how everything works. So funktioniert alles. C'est la manière laquelle tout fonctionne. Praise the Lord. Hallelujah. If you are truly hungry of Christ Jesus, the truth. Wahrhaftig hungrig bist nach Christus Jesus, nach der Wahrheit. Si tu as réellement faim du Christ, faim de la vérité. This message will deliver you from the bondage of religion, including Christianity. Von der Gefangenschaft von Religion. Ce message va te libérer, ça va te délivrer de la captivité de la religion, surtout pour les gens religieux. Amen. Amen. The bondage of religion, especially Christianity, the poison biscuit. That's what I call them. Die Religion, der vergiftete Keks. Donc les poisons de la religion, surtout le christianisme, un gâteau vraiment empoisonné. Amen. Amen. People hate change. Leute hassen Veränderungen. Les gens détestent les changements. They are comfortable. You know, they feel comfortable with the bondage they are in. Sie sind zufrieden mit der Gefangenschaft, in der sie sich befinden. Ces gens sont vraiment confortables avec dans les mauvais liens qui sont en train de se trouver. Don't be comfortable being in visible hell. Sei nicht zufrieden damit, in der sichtbaren Hölle zu sein. Ne sois pas confortable dans la captivité, dans l'enfer visuel que tu es en train de te trouver. Without Christ Jesus, you are already in hell. Denn ohne Christus Jesus bist du schon in der Hölle. Parce que sans Jésus-Christ, tu es déjà dans l'enfer. Amen. It is a matter of time. Das ist eine Frage der Zeit. C'est une question du temps. That you will be cast into invisible hell. Bis du in den unsichtbaren Himmel verbannt wirst. Où tu seras jeté. In die Hölle verbannt wirst. C'est une question du temps jusqu'à ce que tu seras vraiment jeté dans l'enfer invisible. You still have time to repent. Du hast immer noch Zeit, um Buße zu tun. Tu as toujours le temps de te repentir. Because you are still here on earth. Weil du noch hier auf Erden bist. Tant que tu es ici sur terre. Amen. Mm-hmm. You still have your body. Du hast immer noch deinen Körper. Tu as toujours ton corps. Once the body is dead, it's over. Aber wenn der Körper tot ist, ist es vorbei. Parce que quand le corps n'est plus, là c'est fini. Amen. Mm-hmm. You still have your body and Christ Jesus is still knocking. Du hast immer noch deinen Körper und Christus Jesus klopft immer noch an deiner Tür. Tu as toujours ton corps et Jésus-Christ est toujours en train de frapper. Revelation 3, please. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 3. Offenbarung 3. Apocalypse 3. Verse 20 and 21. He's knocking. He's still knocking. Lui, il est toujours en train de frapper à ta porte. He said, "Behold, I stand at the door and knock." He knock at, you know, every door, everybody's door. Both this body save and your save. Bei den Erretteten, auch bei den Unerretteten. Il a dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, il est en train de frapper à chaque porte. Si tu es né de nouveau ou pas, il frappe. Amen. Amen. For the unsaved, you know, for the saved, he's still knocking so that he can help us to take decision. Mm-hmm. Für die Leute, die errettet sind, klopft er immer noch an, damit wir zulassen, dass er uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Pour les gens qui sont nés de nouveau, qui ont leur salut, il est toujours en train de frapper pour qu'il nous aide à prendre des décisions. Because we have to be choosing him every minute, every second. Wir müssen ihn jede Sekunde wählen. Parce qu'on doit vraiment lui choisir chaque minute, chaque seconde. He said, "Take up your cross daily and follow me." Täglich sollen wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen. Parce qu'il nous dit qu'on doit prendre notre croix sur nous chaque jour. Salvation is daily. Errettung ist täglich. Le salut, c'est vraiment chaque jour. You choose to be saved daily. Du entscheidest, dass du errettet bist täglich. C'est toi qui dois décider d'être né de nouveau chaque jour. Because that you are saved today, there is no guarantee you'll be saved tomorrow. Dass du heute errettet bist, ist keine Garantie dafür, dass du morgen errettet bist. Parce que seulement parce que tu es né de nouveau aujourd'hui, c'est pas une garantie que demain tu vas rester né de nouveau. Tu vas aussi garder ton salut. That's why in the book of Luke he said, "Take up your cross and follow me daily." Sie sagt dann, Lukas, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir täglich nach. Et c'est pour cela, il dit à Luc, tu dois prendre ta croix et me suivre chaque jour. In everything, you are going to choose him or Satan. Denn in allem wirst du dich für ihn oder Satan entscheiden müssen. C'est dans toute chose que tu dois te décider de lui suivre ou de suivre. Any decision you ever take in life, or any decision at all, is either going to praise the Lord. Or praise Satan. Jede Entscheidung triffst, entweder über das Christus verherrlichen oder den Herrn oder den Satan verherrlichen. Parce que chaque décision que tu vas prendre, ou ça va glorifier l'Éternel, ou ça va glorifier le diable. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him. I will sup with him, and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's a personal relationship. Es ist eine persönliche Beziehung mit ihm. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi. Donc, en fait, il veut te dire que c'est une relation personnelle avec lui. No man can do this for you. Niemand kann das für dich tun. Parce qu'il y a personne qui peut prendre cette décision pour toi. No pastor can do this for you. Kein Pastor kann das für dich tun. Aucun pasteur peut le faire pour toi. No father, mother can do this for you. Kein Vater, keine Mutter kann das für dich tun. Aucune mère, aucun père peut prendre cette décision pour toi. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is between you and Christ. Es zwischen dir und Christus ist das. Cette décision c'est entre toi et le Christ. Verse 21. 21. Verset 21. He said, "To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am sat down with my father in his throne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I hope you understand it. Amen. He's still knocking. He knocks all the time. Donc l'Éternel lui continue toujours à frapper sur nos portes. And for the unsaved, he's knocking. Et pour les ungläubigen klopft er auch. Et même aussi pour les gens qui sont pas nés de nouveau, il continue à frapper sur nos portes. Okay, sir. Thank you. That they will allow him to come in. Dass sie zulassen, to live inside them. Um in ihnen zu leben. Oui, il est en train de frapper pour que puisse les permettre de vivre entre dans eux. That you go to church does not mean you are saved. Dass du zur Kirche gehst, heißt nicht, dass du errettet bist. Juste parce que tu pars à l'église, ça signifie pas que tu es né de nouveau. That you read the Bible does not mean you are saved. Dass du die Bibel liest, heißt nicht, dass du errettet bist. Juste parce que tu lis la Bible, ça signifie pas que tu es né de nouveau. Are you getting it? Salvation is a relationship, true relationship with Jesus Christ. Errettung ist eine wahrhaftige Beziehung mit Jesus Christus. Le salut c'est une relation réelle avec Jésus Christ. And not just praying the prayer of salvation. Und nicht nur das Errettungsgebet beten. Donc c'est pas seulement une prière. Stop hardening your heart. Hört auf, euer Herz zu verhärten. Arrête d'endurcir ton cœur. Remember Hebrews 3. Hébreux 3. Rappelle-toi. Let's go there, please. 3. Praise the Lord. Mm-hmm. Hébreux 3. From verse 7. Hébreux 3, verset 7. It says, "Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, harden not your heart." Stop hardening your heart. Il dit que pour cela, il nous dit, il nous recommande de ne pas endurcir nos cœurs. Christians, stop hardening your heart. Hört auf, eure Herzen zu verstocken, zu verhärten. Toi, chrétien, arrête d'endurcir ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your father tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Really want us to rest. Avoir notre paix en lui. You never come to Christ and not rest. Kommst niemand zu Christus ohne Ruhe. Il veut vraiment qu'on puisse se reposer. On ne peut pas venir vers le Christ et ne pas être en rest. Because he is rest. Denn er ist Ruhe. Parce que lui, il est le vrai repos. Praise the Lord. Hallelujah. He is rest. Er ist Ruhe. Il est le repos. Praise the Lord. In verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Unbelief and leaving a living church and leaving a living Christ. Evil heart of unbelief. Die lebendige Gemeinde verlassen, ein ungläubiges, böses Herz des Unglaubens. Il a dit, prenez garde, mes frères, qu'il ne se trouve pas quelqu'un de vous au cœur mauvais et infidèle qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. Quand il dit qu'il lui fasse abandonner le Dieu vivant, il parle aussi d'abandonner une église vivante. From verse 15, please. 15. Verset 15, maintenant. Why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. As in the provocation. For some, when they had heard, did provoke. Howbeit, not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom swore he that they should not enter into his rest? But to them that believe not, it's up to today. Those that refuse to believe him, there's no rest for them. Für die gibt es keine Ruhe. Et puis ici à verset 15 et 16, il nous fait voir que ces gens qui sont en train de refuser qu'ils puissent être sans repos, ils n'auront jamais de la paix. The past should be our example. Die Vergangenheit sollte unser Vorbild sein. Le passé doit être aussi un autre exemple. Verse 19, he said they could not enter his rest. Sie konnten nicht in seine Ruhe eingehen. Verset 19 dit que dans le passé, ils n'étaient pas capables à entrer dans le royaume des cieux. And so also today, if you cannot see Christ and say yes to him, there's no rest for you. Genauso ist auch mit Christus. Wenn du ihn nicht siehst, dann wird es keine Ruhe geben für dich. Et c'est aussi la même chose avec le Christ. Si tu n'es pas capable à le voir, tu ne seras pas capable d'entrer dans son repos. Verse 19. Verset 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. Then even in chapter 4, it now spoke also to us. Und 4 hat er auch zu uns gesprochen. Et verset 4, il nous a aussi parlé. He said, let us therefore fear, lest a promise being left us of entry into his rest, and of you should seem to come short of it. Verse 2. For unto us 4:2 was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Are you getting it? For which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works we have finished from the foundation of the world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christians, stop hardening your heart. Hört auf, eure Herzen zu härten. Vous les chrétiens, arrêtez d'endurcir votre cœur. Are you getting it? Stop hardening your heart. Arrêtez de les endurcir. This message is always coming and coming and coming. Ce message vient et ça revient et ça revient toujours. Amen. Your name is who you are. Dein Name ist das, was du bist. Et son nom, c'est ce que tu es. You will truly become what you are called. Du wirst zu dem werden, was du genannt, wie du genannt wirst. Et tu seras ce que lui veut que tu puisses être, comme il t'appelle. Tu seras comme lui il t'appelle. Tu vas devenir la personne qu'on t'appelle. Ok. Tu vas devenir la personne qu'on t'appelle. Amen. No. Abraham, his name was changed because you will surely become that very name you are called. Bei Abraham, sein Name wurde geändert, denn du wirst zu dem, was du genannt wirst. Abraham, son nom, par exemple, ça a été changé parce que va devenir celui la personne qu'on l'a appelé. Reject to be like Christ. Reject to be like Christ. Verweigere es, wie Christus zu sein. Oui, rejette d'être comme le Christ. Be Christ. Sei Christus. Amen. Plutôt I don't know if somebody is getting it. Reject to be like Christ. Be Christ. Arrête de vouloir être comme le Christ. Sois seulement le Christ. Satan loves to see you seeing yourself that you are like Christ. Der Satan liebt es, dich zu sehen, dass du denkst, dass du wie Christus bist. Le diable, lui, il aime que tu puisses te voir comme une personne qui veut être comme le Christ. I'm like somebody does not mean I'm that person. Wenn ich bin so wie diese Person, heißt nicht, dass ich diese Person bin. Parce que juste parce que je suis comme une personne, ça signifie pas que je suis la personne. Faites John 4, please. 1 Johannes 4. 1 Jean 4. Praise the Lord. Hallelujah. Faites John 4, verse 17. 1 Johannes 4, 17. 1 Jean 4, 17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. So simple. We are not different. Say we are not different. He never see us different from him. And we should never see ourselves different from him. 1 Jean 4, 17. Il dit que la perfection de l'amour en nous, c'est que nous ayons une confiance assurée un jour du jugement, car tel est le Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans le monde. Donc, on ne doit jamais se voir différent de lui. On doit vraiment se voir, oui, comme lui. Donc, on est lui. We are not little Christ. Nous ne sommes pas de petits Christ. We are not like Christ. Nous ne sommes pas comme le Christ. We are Christ. Mais nous sommes le Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. I don't know if we even have time to go even up to that very place we stop on Sunday. Amen. Ich Also wir dann, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Je sais pas si on va continuer là où on avait stoppé dimanche. Believe and accept what Christ called you. Glaub an das, was Christus dich nennt. Mm-hmm. Et oui, crois et accepte le nom qu'il a pour toi en fait. And not what people call you. Und nicht, was Leute zu dir sagen. Et pas comme les gens sont en train de t'appeler. He call you brother. He call you believer. He call you saint. Mm-hmm. Er nennt euch Brüder, er nennt euch Heiliger. Il t'appelle frère, il t'appelle tu es un saint, il t'appelle croyant, mais il t'a jamais appelé chrétien. Amen. Mm. He said any tongue against you, you should condemn. Jede Zunge, die gegen uns sich richtet, sollen wir verurteilen. Il a dit que chaque langue qui est forgée contre toi, tu dois le rejeter. Christianity is a tongue against you. Das Christentum ist eine Zunge, die sich gegen dich erhebt. Le christianisme est une langue qui est forgée contre toi. To be called Christian is a tongue against the kingdom of heaven. Christ genannt zu werden ist eine Zunge, die sich gegen den Himmel erhebt. Être appelé chrétien, c'est une langue qui est forgée contre toi. Jesaja 54. Esaïe 54. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Isaiah 54. Verse 17. He said, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against you in judgment thou shalt condemn. Say, you condemn it. You reject it. You say no to it. Du musst es verweigern. Du musst nein dazu sagen. Il a dit que c'est toi qui dois condamner cette langue. Il a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera pour contrecier avec toi, tu la condamneras. Donc c'est toi qui dois les condamner. Let us condemn every tongue that is against the kingdom of Christ Jesus. Lass uns jede Zunge richten, die sich gegen Christus Jesus erhebt. Donc on doit vraiment vouloir se condamner chaque langue qui est en train de se tourner qui est forgé contre Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. And that number one tongue that is against Christ is Christianity. Diese Nummer 1 Zunge, die gegen, Christus ist, ist das Christentum. Mm. Et une langue qui est vraiment contre le Christ, c'est le christianisme. Start from there, condemn it. Fang von dort an, verurteile es. Et commence à le condamner. And I see yourself as a son of Christ Jesus. Seh dich wie ein Sohn von Christus Jesus. Et considère-toi comme un fils du Christ. And see yourself as a citizen of the kingdom of heaven. Seh dich selbst als ein and not a member of a church. Bürger des Himmels, nicht als ein Mitglied einer Gemeinde. Et tu dois te considérer toi-même comme un citoyen du royaume des cieux et pas comme un membre du royaume des cieux. Christianity is full of members. Das Christentum ist voll von Mitgliedern. Le christianisme est plein et vraiment rempli de membres. A kingdom is of citizens. Das Königreich besteht aus Bürgern. Mais dans un royaume, il y a toujours des citoyens. You are not a worker in the kingdom of heaven, you are a son. Du bist kein Arbeiter. It means what belongs to the Father belongs to you. Du bist kein Arbeiter im Königreich, sondern bist ein Sohn. Das heißt, das, was dem Vater gehört, gehört auch dir. Tu n'es pas un travailleur, dans le serviteur dans le royaume des cieux. Ça signifie que ce qui appartient à ton père, ça t'appartient aussi. The Lord really want to deliver people from the bondage of religion. Der Herr Leute, er retten aus der Gefangenschaft der Religion, aber lassen Sie das zu, das ist eine andere Frage. Mm. Les gens l'Éternel veut vraiment sauver les gens, ils veulent leur sauver du des captivités de ce monde, mais eux ils ne permettent pas. Amen. Christianity is a tongue against the truth. Das Christentum ist eine Zunge gegen die Wahrheit. Le christianisme est une langue contre la vérité. Amen. To be called a Christian is a tongue against what Christ called the truth. Christ genannt zu werden ist eine Zunge, die sich gegen das, was Jesus Christus sagt, richtet. Et être appelé chrétien, c'est une langue qui est vraiment contre ce que l'Éternel est en train de te dire. There's power behind all this religion. Es gibt Kraft hinter all diesen Religionen. Et il y a vraiment une puissance derrière toutes ces religions. All these religions, including Christianity, there is power behind them. All diese Religionen, auch das Christentum, es gibt Kraft hinter ihnen. Chaque religion, donc toutes ces religions, même le christianisme, il y a vraiment une puissance derrière ça. There is an evil spirit behind them. Es gibt einen bösen Geist hinter ihm. Il y a vraiment un mauvais esprit derrière. Oui. Are you getting it? There's an evil spirit behind it. Es gibt einen bösen Geist hinter ihnen. Il y a vraiment un mauvais esprit derrière ces religions. Ephésiens 6, 12. Let's go there, please. Ephésiens 6, verse 12. Ephésiens 6, verset 12. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. He called them, he said they have power. Et ici, verset 12, il nous fait voir qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principes, contre les puissances, contre les dominateurs donc, de ce monde. Donc, ce sont des puissances. That something has power or there's power behind something does not mean Christ. Nur weil etwas Kraft und Macht hat, heißt nicht, dass es Christus Jesus ist. Juste parce que quelque chose a une puissance derrière, oui, derrière elle, ça ne signifie pas que c'est Jésus Christ. Here the Bible is calling Satan. It says Satan has power. There's power behind him. Sie sagt, liebe, dass Satan power. Kraft hat. Ici la Bible dit que le diable et les ténèbres ça a une puissance. Amen. But again, principality again powers. Against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. He said they are spiritual. Il a dit contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Donc ce sont des esprits. And that's why people are not your enemy. Leute sind nicht deine Feinde. C'est pour cela l'être humain n'est pas ton ennemi. The only enemy, no enemy is singular. And the enemy is Satan. Is the feind is Satan. Donc là, c'est un ennemi. Et l'ennemi, c'est singulier. Et cet ennemi, c'est le diable. It is a pity how people allow their body. You know, they borrow him their body. To go through. Leute dem Satan ihren Körper ausleihen, damit er durch sie durchgeht. Et c'est vraiment pitoyable comme les gens sont en train d'emprunter le diable leur corps pour se manifester à travers eux. Satan need a body to fight the truth. Der Satan braucht einen Körper, um die Wahrheit zu bekämpfen. Car le diable il a besoin d'un corps pour combattre la vérité. And that's why go through parents, go through friends, go through things, a lot of things. You can even go through your account. You can go through even your own mind. Il need a body to do his job. Er braucht einen Körper, um sein Werk zu verrichten. Donc lui, il a vraiment besoin d'un corps pour accomplir ses œuvres. Il est en train de marcher à travers nos familles, quelquefois des parents, même ton compte bancaire. His job. Tes pensées. And his job is to fight the truth. Und seine Aufgabe ist die Wahrheit zu bekämpfen. Et son travail c'est de combattre la vérité. The spirit of Christianity is so evil. Der Geist von Christum ist so bösartig. Et l'esprit du christianisme est vraiment mauvais. You will know that through how they hate the truth. Du wirst es erkennen, indem du siehst, wie sehr sie die Wahrheit hassen. Et tu vas les connaître quand tu vas voir quand tu comprends qu'ils sont en train de détester la vérité. You will know that through how they are full of themselves. Sie sind voll von sich selbst. Et tu vas voir qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. They hate those that preach the truth. Und sie hassen die Wahrheit predigen. Ils détestent ceux qui prêchent la vérité. They hate correction. Sie hassen Verbesserung. Ils détestent la correction. They hate repentance. Sie hassen Buße. Ils détestent la repentance. They hate anything change. Sie hassen die Veränderung. Ils détestent chaque changement. Again, they hate those that preach the truth. Sie hassen die Wahrheit predigen. John 8. Ils détestent ceux qui prêchent la vérité. Let's go to John 8. Johannes 8. Jean 8. They are still there today. Praise the Lord. Amen. They are still there today. Heute sind sie noch da. Ils sont encore là aujourd'hui. You know, we are talking about Christian faith. We cannot talk about the true faith without talking about the Christian faith. Other faith. Amen. Wir reden über den christlichen Glauben und wir können nicht über den christlichen Glauben sprechen, ohne über anderen Glauben zu sprechen. Wir können nicht über unseren himmlischen Glauben sprechen, ohne über den christlichen Glauben oder andere Glauben zu sprechen. Okay, wir können nicht über den himmlischen Glauben sprechen, ohne über den christlichen Glauben oder andere Glaubensrichtungen zu sprechen. On n'est pas capable, donc on peut pas parler de la foi du royaume des cieux et de ne pas parler de la foi du christianisme ou bien autre de les religions en général. Praise the Lord. Halleluja. John 11, from verse 39. Johannes 8, 39. Jean 8, 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that have told you the truth. He's still there today. Noch das passiert heute. Loving them, they want to kill you. They will get you. Weil du sie liebst, wollen sie dich töten. Mm-hmm. Et si, Jésus-Christ dit que si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous êtes en train de chercher de me tuer, à me faire mourir. Et donc, c'est toujours même la même chose aujourd'hui. Tu leur dis la vérité, mais ils commencent à te détester. C'est moi that have told you the truth, which I have heard of God. Mm-hmm. This did not Abraham. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Jesus said unto them, if you were Abraham's father, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If they really, if they are hungry of the truth, they will be for us and not against us. Si ils étaient, ils étaient affamés de la vérité, eux, ils allaient être pour nous et pas contre nous. Amen. Amen. Verse 43. 43. Verset 34. He said, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ah, praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I do, you know, it's good to see something here. Mm-hmm. Let's go further in verse 45. Okay. And because I tell you the truth, you believe me not. Mm-hmm. You know how many times we tell them the truth, they never believe us. Wisst ihr, wie oft wir ihnen die Wahrheit sagen, sie glauben niemals. Vous savez combien de fois on leur dit la vérité, mais eux, ils ne croient jamais. I hope you are getting it. Mm-hmm. You know how many times we have preached to them, wie oft wir that they never believe. Aber sie niemals glauben. Mm-hmm. Tu sais combien de fois on a prêché aux gens, mais eux, ils nous ont jamais cru. Amen. Amen. In verse 46. Verse 46. It says, which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? He that is of God heareth God's word. If you are really of Christ, you will believe us. You will be one with us. Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Donc si tu appartenais vraiment au Christ, tu vas nous comprendre. Oui. He said, you therefore hear them not, because you are not of God. Praise the Lord. Yeah. Then answered the Jews and said unto him, say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? You know, that's what they call us today. Same thing they said. You know, they said Jesus have a devil. Ils ont dit aussi, il a dit à verset 48, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et que vous êtes possédé d'un démon? Donc ils ont dit à Jésus-Christ, ils ont dit qu'il était possédé. C'est la même chose qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui, que nous sommes bizarres et possédés. Praise the Lord. Amen. If they call you names, you know, are you bothered? Mm. Amen. Are you bothered? Mm. It's what you call yourself. It's what the name you are allowed to know that you just answer. Amen. Jesus did not answer. Did not accept that name. Jesus hat diesen Namen nicht akzeptiert, den sie ihm versucht haben zu geben. Was ist mit dir? Akzeptierst du den Namen, den sie dir geben? Okay, Jésus-Christ n'a jamais cru au nom que les gens sont en train de lui dire. Et toi, est-ce que tu crois au nom que les gens sont en train de te donner ou bien c'est que l'Éternel te dit? Comment t'appelles? 49. Verset 49. Jesus answered, I have not a devil, but I honor my father, and ye do dishonor me. Praise the Lord. Hallelujah. He rejected that name. Amen. He said, I have, Jesus answered, I have not a devil, but I honor my father. And you know, he said he honor his father, and we are to honor him. Is, are you getting it? And you do dishonor me. Yes. Mm. Are you getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And I seek not my own glory. There's one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. En fait, Jésus-Christ dit que il a refusé ce nom de dire que je ne suis pas un démon. Il a dit, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Et c'est ça que l'Éternel, Jésus-Christ, avait refusé ce nom-là. They hate those that preach the truth. They hate the Leute, die die Wahrheit predigen. Ils détestent ces gens qui prêchent la vérité. The way you know, Jesus was hated, Paul was hated. Genau wie Jesus gehasst wurde, wie Paulus gehasst wurde. Tout comme Jésus a été détesté et Paul a été détesté. Galatians 4:16. Paul said, "Have I become your enemy because I tell you the truth?" Paul ist nicht zu eurem Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Et même Paul, il a dit que est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. We cannot talk about our faith and not talk about others' faith. Wir können nicht über unseren Glauben sprechen, nicht über andere Glauben sprechen. Et on peut pas parler de notre foi et de parler d'autres des fois, hein? Sans parler. On peut pas parler de notre foi sans parler de notre foi. Amen. Amen. What they call their faith. Was sie ihren Glauben nennen. C'est que eux ils appellent leur foi. Amen. Amen. And one of them which is Christianity faith. Christian faith. Et un de ces fois, c'est la foi chrétienne. Let us separate ourselves from them. Lasst uns, they are dangerous. Wir sollten uns davon trennen, sind gefährlich. On doit vraiment se séparer de ça, c'est vraiment différent. Amen. Amen. If you keep on moving with them, you become like them. Wenn du immer wieder mit ihnen mit ihnen Zeit verbringst, wirst du so wie sie werden. Et si tu es toujours en train de traîner avec eux, d'être au milieu d'eux, tu vas devenir comme eux. Are you getting it? Mm-hmm. If you keep on living like them, you're not doing that, you're not just one with them, you become like them. Mm-hmm. You speak like them, you think like them. Du wirst so wie sie sprechen, du wirst so wie denken. Mm-hmm. Du wirst eins mit ihnen. Et tu vas parler comme eux, tu vas penser comme eux, tu seras un avec eux. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Are we there, please? Are we here, please? Sind wir hier? Nous sommes ici. Let us separate from them. Lass uns, wir sollten uns von ihnen absondern. On doit vraiment se séparer d'eux. Let us allow Christ to separate us from them. Wir müssen zulassen, dass Christus uns von ihnen trennt. On doit vraiment vouloir que le Christ nous sépare d'eux. I know that there are so many. Ich weiß, dass es viele sind. Je sais que c'est vraiment beaucoup. That follow them because they are many. Aber folge ihnen nicht, weil sie zahlreich sind. Ne les suis pas parce qu'ils sont nombreux. Remember the flesh love majority. Erinnert euch dann, dass das Fleisch die Mehrheit liebt. Et rappelle-toi que la chair aime la majorité. Are you getting it? The Lord, the flesh love majority. Das Fleisch liebt die Mehrzahl. Et Mehrheit. La chair aime vraiment la majorité. Quickly go to Isaiah, please. Isaiah 31. Isaiah 31. Isaiah 31. Verse 1. Verse 1. He said, "Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses and trust in chariots, because they are many, because of their quantity." Wegen ihrer Menge, weil sie zahlreich sind. Praise the Lord. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher leur secours. It's said because they are many, because they are very many. Parce qu'ils sont vraiment nombreux. Amen. Amen. And in horsemen because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Though there are many, même s'ils sont nombreux, but they are men. Aber sind Menschen. Mais ils sont des gens. Verse 3. 3. Look at verse 3. Now the Egyptians are men, are not God. Though they are many, but they are not God. Sie sind viele, aber nicht Gott. Amen. Donc malgré ils sont nombreux, mais ce sont pas Dieu. And their horses, flesh, are not spirit. It's on you. Amen. Amen. I don't get it then. Though there are many, but they are not Christ. Sie sind zahlreich, aber sie sind nicht Christus. Malgré son nombre, ils sont pas le Christ. Amen. They are men and not God. Sie sind Menschen, nicht Gott. Malgré son nombre, mais ils sont pas le Christ. Ce sont des êtres humains, ce sont pas de Dieu. So they are flesh and not spirit. Ils sont Fleisch und nicht Geist. Ils sont charnels, ils sont de la chair, ils sont. Jesus also talked about many quantity. Jesus spricht auch über Matthew viele. Matthew 7. Let's go to Matthew 7. Quantität. Matthäus 7. Matthew 7. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7. Matthew 7. From verse 13. Vers 13. Matthew 7, verset 14, 13. Amen. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in there. Many. Many. That people know that the church is full does not mean Christ is there. Dass die Gemeinde voll ist, heißt nicht, dass Christus dabei ist. Juste parce qu'une église est plein ou est remplie, ça signifie pas que le Christ est dedans. Are you getting it? Don't look for, you know. That's what some are just hungry of. Quantity. Et c'est pour cela les gens sont toujours derrière la quantité. Verse 14. Verset 14. It says, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Few. Car elle est étroite, la porte est resserrée, la voie qui conduit à la vie, et il est peu qui la trouve. From verse 15, I talk about how you are going to know them. That their fruits, that their message, how they speak, what they speak, what come out from them, you know who they are. Durch das, was sie sagen, weißt du, wer sie sind. What they love, what they hate. Verset 15 nous fait voir comment on va les reconnaître à travers leurs fruits. Are you getting it? What they value, their desire, then you just know who they are. Leurs désirs, ils sont en train de valoriser, tu vas savoir, tu vas les reconnaître, qui ils sont. People love majority. Leute lieben die Mehrheit. Les gens aiment la majorité. The flesh love majority. Das Fleisch liebt die Mehrheit. La chair aime la majorité. Please, your homework, 2 Chronicles 18, from 1 to the 18. End. And 19, from 1 to 3, please. Please read it. 2 Chronicles 18. Votre devoir, 2 Chroniques 18. Just a prophet. A prophet to 400 prophets. Ein Prophet gegen 400 andere Propheten. Tout comme un prophète contre 400 prophètes. The Lord does not work by majority. Der Herr arbeitet nicht durch die Mehrheit. L'Éternel ne travaille pas à travers la majorité. Praise the Lord. Amen. I love this ministry because Christ is here. Ich liebe diese Gemeinde, weil Christus hier ist. Moi j'aime cette église parce que le Christ est ici. Faith is used in different ways. Der Glaube wird auf unterschiedliche Weise benutzt. Et la foi est en train d'être utilisée dans des manières différentes. Amen. Praise the Lord. Christ Jesus is our faith. Christus Jesus ist unser Glaube. Et Jésus-Christ est notre foi. Galatians 3:25 said, Christ, you know, when faith came, it means the coming of Christ. When Christ came. Galater 3:25 lesen wir, als der Glaube kam, als Christus kam. Et Galates nous dit que quand Jésus-Christ est venu, donc quand la foi est venue. Amen. And Galatians, the same Galatians 2:20. Let's go to the book of Galatians. Galatians 3. So that since they are very close to each other, go to Galatians 3:25. Galatians 3:25. D'abord Galatians 3 verset 25. 3:25. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Before then, the law was our master. Vorher war der Herr unser Meister. But now grace is our master. Jetzt die Gnade unser Meister. Amen. Il a dit que 25, Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Donc on voit que maintenant c'est le Christ qui est notre maître. En Galatians 2:20. Galates 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Praise the Lord. Halleluja. Though the flesh is dead and buried, but I'm still living. Auch wenn das Fleisch tot und begraben ist, lebe ich denn. Donc même si la chair est morte et enterrée, je lui lève non. Mais je continue à vivre. It's not yet not I. It's not the old man. C'est nicht der alte Mensch. Donc c'est pas l'ancien personne. But the new man. Aber der neue Mensch. Mais la nouvelle personne. But Christ liveth in me. Le Christus lebt in mir. Le Christ vit en moi. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. The faith of Christ Jesus. Der Glaube von Christus Jesus. And not Christianity faith. Und nicht der Glaube von Christentum. Oui, donc je vis à travers la foi du Christ en moi et pas à travers le christianisme. Amen. In Hebrew 12 verse 2. Hébreux 12 verset 2. He said he is the author and the finisher of our faith. That's Christ Jesus. Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Il a dit que c'est lui qui est le commencement et la fin de notre foi. He is the beginning and the end of our faith. Er ist Anfang und Ende unseres Glaubens. Il est le commencement et la fin de notre foi. The Alpha and Omega of our faith. That's Christ Jesus. L'alpha et l'oméga de notre foi, c'est Jésus-Christ. Because without him, there is no faith for the heavenly family. Das ohne ihn gibt es keinen Glauben für die himmlische Familie. Donc, ça signifie que sans lui, il n'y a pas de foi pour la famille céleste. We are heavenly family. Wir sind die himmlische Familie. Nous sommes une famille céleste. We are not earthly family. Wir sind pas une famille terrestre. Are you getting it? All religious faiths, including Christianity. It's an evil faith. Jeder religiöse Glaube, auch der christliche Glaube, ist ein bösartiger Glaube. Donc chaque autre foi, même aussi la foi des chrétiens, le christianisme, c'est une foi mauvaise. Amen. They are natural faith. Das ist alles natürlicher Glaube. Tout ça, c'est une foi naturelle. Natural faith means it's your mind that tells you this is good, that this is true. Der natürliche Glaube bedeutet, dass es deine Gedanken sind, die dir sagen, it must make sense to your mind. Das ist, es muss für deine Gedanken, für deinen Verstand Sinn ergeben. Donc la foi naturelle, ça signifie que ça doit être vraiment plausible pour tes pensées, pour ton cerveau, You know, natural faith, if you sit on this chair and you know it's supposed to have four legs, and if you have two legs, you know that there's something going to happen. If you have four, then you know that it's balanced. That's the natural faith. And that is the faith of the Christians today. That you know, until I see, I can feel it, I can see that Thomas' faith, I cannot believe. Der natürliche Glaube, den die Christen haben, ist zum Beispiel, wenn ein Stuhl nur zwei Beine hat, dann glauben sie, dass sie sich nicht darauf setzen können, weil er nicht sie tragen kann. Aber sobald er vier Beine hat, können sie glauben, dass dieser Stuhl sie tragen wird. Das ist der natürliche Glaube, wie der von Thomas, der erst geglaubt hat, als er gesehen hat. La foi naturelle, c'est la foi de Thomas, par exemple, qui doit d'abord voir avant de croire. Par exemple, quand il va voir une chaise qui a deux pieds, il va savoir qu'il n'y a pas d'équilibre et il sait que ça sera dangereux pour lui. Mais s'il y a une chaise qui a quatre pieds, par exemple, il sait vraiment que oui, ça a de l'équilibre et oui, ça peut lui porter, par exemple. Donc, c'est toujours compréhensible, oui. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in that very place, you know, the natural faith. Natürliche Glauben. Then versus the supernatural faith. Im Gegensatz zum übernatürlichen Glauben. Donc la foi naturelle, quand tu dois le comparer avec contre la foi surnaturelle. Amen. And Jesus said, "Blessed are those that are of the supernatural faith. Und Jesus hat gesegnet sind die, they have not seen, but yet they believe. Your belief. Übernatürlichen Glauben gehören, die noch nicht gesehen haben, aber dennoch einfach glauben. Et l'Éternel nous dit que vraiment béni soient ceux qui sont entrés, ceux qui sont capables d'avoir une foi surnaturelle, qui sont capables de croire sans avoir vu. In John 20, verse 29. Jean 20, verset 21. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Mm-hmm. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because the five senses cannot see the spiritual world. Weil die fünf Sinne können die geistige Welt nicht sehen. Donc il a dit à Thomas, il a dit ça parce que les gens que tu es béni si tu es capable de voir, de croire sans avoir vu, parce que les cinq sens ne peuvent pas comprendre à quoi tu as ta foi. Amen. You know, the natural faith, their faith, you know, the five senses, you know, it is an evil faith. Der natürliche Glaube, dieser Glaube, der von den fünf Sinnen abhängig ist, ist ein bösartiger Glaube. Parce que une foi qui dépend de cinq sens est une foi mauvaise. You can only believe what makes sense. Man kann nur das glauben, was Sinn, sie glauben nur das, was Sinn ergibt für sie. Parce que là, tu as seulement foi à ce qui a du sens pour toi, ce qui est compréhensible. Remember, the Bible talked about them in 1 Corinthians 2. Erinnert euch daran, dass die Bibel über sie spricht. In 1. Korinther 2. Let's go there. Erinnert euch daran, dass die Bibel über sie spricht. In 1. Korinther 2. Rappelle-toi que la Bible parle d'eux dans 1 Corinthiens 3. Verse 14. 1. Korinther 2, 14. 1 Corinthiens 3, 14. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, just like Thomas. Amen. The natural faith. We never believe because it doesn't make sense. It's foolishness. Donc, l'être naturel n'est pas capable à comprendre cette foi parce que c'est vraiment de la folie pour eux. Amen. Christ's faith is an heavenly faith. Der Glaube von Christus ist ein himmlischer Glaube. La foi du Christ, c'est une foi céleste. To believe the Christ that you have not even seen with your five senses. An den Christus zu glauben, den du mit deinen fünf Sinnen noch nicht mal gesehen hast. Donc tu crois en Christ sans l'avoir vu avec tes cinq sens. To believe your name is written in heaven when you have not even seen it. Zu glauben, dass dein Name im Himmel steht, obwohl du es noch nicht gesehen hast. Ein übernatürlicher Glaube. De croire que ton nom est écrit dans le royaume des cieux sans avoir vu ça, c'est vraiment surnaturel. You know, to believe the Lord paid all the price, even when you are not even experiencing anything but mark or good. Zu glauben, dass der Herr den Preis bezahlt, obwohl du nach dem Standard dieser Welt kein schönes Leben führst. Et d'être capable à croire que l'Éternel a déjà payé tous les prix sans voir que tu... Oui, mais dans ta vie naturelle, tu es en train de voir aussi que tu as vraiment des difficultés dans la vie, mais tu veux croire que l'Éternel a déjà payé les prix. Ce n'est pas facile. Christ's faith is an heavenly faith. Der Glaube von Christus ist ein himmlischer Glaube. La foi du Christ, c'est une foi céleste. It is God kind of faith. Es ist Gottes Glaube. C'est la foi du Christ. Without the power of the Holy Ghost, you can never have that faith. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du diesen Glauben niemals haben. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu peux jamais avoir cette foi. You cannot, you know, you cannot know or understand that faith. Du wirst diesen Glauben nicht erkennen oder verstehen. Tu ne vas pas être capable à comprendre cette foi. That Jesus Christ alone is your father, your mother, your everything. It doesn't make sense to the natural man. Who you cannot even see. Vater, Mutter, alles ist für dich. Que Jésus-Christ est vraiment ton père, ta mère, il est tout pour toi. Rejecting everything you can see and saying yes to him. Alles vorbei, was du siehst. It does not make sense. Für das, was du eben nicht siehst. Für den du nicht siehst. Donc tu veux tout rejeter pour une personne que tu n'es pas capable à voir. We need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen Geist. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. If not, we cannot believe the supernatural faith of Christ. Sonst werden wir niemals an das übernatürliche, an den übernatürlichen Glauben von Christus festhalten. Sinon, tu n'es pas capable à tenir dans la foi surnaturelle. We don't need any we don't need the Holy Ghost to help us to believe, you know, to have the natural faith. We don't need it. You are born with the natural faith. Sie brauchen den Heiligen Geist nicht, um an den natürlichen Glauben zu glauben, weil daran damit bist du geboren sozusagen in diese Welt. Mm. Donc on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour croire dans la foi, avoir la foi naturelle. Are you getting? Parce que c'est normal. What kind of faith to have it? You need the power of the Holy Spirit. Aber Gottes Glauben, um das zu haben, brauchst du den Heiligen Geist. Mais pour avoir la foi surnaturelle pour y croire, là tu as besoin du Saint-Esprit. Because you are going to believe what is not logic. Du wirst an etwas glauben, was nicht logisch ist. Parce que tu seras obligé de croire à quelque chose qui n'est pas logique pour toi. You are going to believe what does not make sense. Du wirst an etwas glauben, was keinen Sinn macht. Tu seras obligé à croire ce qui n'a pas de sens. Look at what Jesus said here in John 6. Regarde ce que Jésus-Christ a dit ici à Jean 6. Praise the Lord. Amen. John 6. Johannes 6. Jean 6. Oh.